C'est une émission vraiment pour le peuple. On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I think he's on the rock. On the rock. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme quelques lundis. C'est vrai que là il y a eu un petit trou dans le gruyère et c'est la dernière de la saison. On se retrouvera pour la 33e année je crois, je ne sais plus. Dans The Rocks ce sera au mois de septembre, donc il va y avoir une belle coupure juillet-août. Mais une dernière émission ce soir pour vous annoncer, avec Mathieu Dufault qui ne saurait tarder, le programmateur du festival Hop Hop Hop, pour nous vous annoncer et vous faire ouïr un peu de la programmation du festival Hop Hop Hop qui se tiendra à Orléans le 12 et 13 septembre prochain, c'est-à-dire à la rentrée. Vous pouvez écouter cette émission sur ontherocks.net, en rediffusion sur ZEF à Blois, et puis quand vous voulez, en 96.2 FM, en direct, les lundis soirs, 19h-20h30. John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. On va commencer l'émission par deux groupes qui ne seront pas au Festival Hop Hop Hop, mais qui ont attiré mes oreilles et qui ont attiré mon attention et qui sont rentrés dans mes oreilles plus précisément dans les jours et les semaines qui ont précédé cette émission. On va commencer avec un extrait d'un EP que j'ai depuis longtemps sous le coude, mais j'attendais qu'il soit sorti officiellement pour vous faire écouter. C'est Bobandi. Alors Bobandi, vous connaissez sûrement, c'est le groupe de Pierre Vital Gérard qui était le chanteur de Santa Cruz que j'ai souvent honoré ici. Il m'a fait l'amitié de m'enregistrer un morceau pour les 30 ans de l'émission. Eh bien, il est revenu avec son nouveau groupe Bobandi, un peu plus pop et un peu moins Americana que Santa Cruz, et surtout avec une belle nouveauté sur ce EP, c'est que les 4 titres sont composés et chantés en français. On note un cousinage assez évident avec Alain Bashung. Le morceau qu'on s'est déjà diffusé s'appelait La Piscine, qui est un morceau vraiment sympa, qui donne le nom à ce EP. Eh bien, voici un deuxième morceau qui s'appelle Himalaya, et on sent que c'est vraiment du vécu, puisque ça nous parle et ça n'a peut-être jamais aussi bien parlé dans un morceau de des insomnies, et c'est fort joliment troussé, et puis on retrouve cette sensibilité qu'on avait avec cette voix de Santa Cruz. Donc voici donc une nouveauté, ça s'appelle Bobandi, Himalaya, et puis juste après, eh ben vous verrez quoi. Sierra Nevada, sans le panorama. Le jour m'attend, les yeux ouverts. La nuit, je reste au niveau de la mer. Le soir, la nuit me laisse au niveau de la mer. Himalaya, cordillère du bout des draps. Ce sommeil qui ne vient pas, c'est la Sierra Nevada, sans le panorama. Le jour m'attend, les yeux ouverts. La nuit, je reste au niveau de la mer. Je reste three down and I am losing steam. C'est bien dans On The Rocks, c'est pour démarrer l'émission. Nous avons eu un extrait du EP de Beau Bandit qui s'appelle Himalaya. Ça nous vient de Rennes, hein, contrairement à ce que le nom indique. C'est tiré du EP La Piscine. Et puis, juste à l'instant, c'était un album que je trouve vraiment hyper intéressant, très frais. C'est l'album de Fox Warren, le projet, le side project de Andy Schauf, avec le morceau Deadhead. Voilà, tout l'album est bien. Vraiment, je vous le conseille. Allez le visiter. Il y a plein de choses à trouver. Il y a des petites mélopées acoustiques, des petites respirations et puis des choses un peu plus synthétiques comme on vient d'écouter à l'instant. C'était donc Fox Warren dans On The Rocks. Mathieu Dufaux est programmateur. Il est à pied pour l'instant puisqu'il a un problème de voiture et il va nous rejoindre dans quelques instants, quelques minutes pour nous décortiquer la programmation du festival Hop Hop Hop qui se tiendra à Orléans le 12 et 13 septembre. Alors je voulais clôturer l'émission avec un petit extrait de l'album d'Arthur Satan qu'on s'était diffusé, qu'on avait décortiqué dans Quij. Cet album d'Arthur Satan, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'était vraiment un super super album. Eh bien, voici un extrait de cet album. Ça s'appelle Crucify Me, du Bordelais tatoué qu'on espère voir en concert un jour par chez nous. En parlant de concert, il y aura vendredi 5 juillet. J'espère que je dis bien la date. Je vérifie sur mon petit calendrier si je dis pas de bêtises. C'est le vendredi 4, pardon. Vendredi 4 juillet à Faillologe, et oui, à la ferme de la Chênaie, il y aura un concert à la ferme avec les Chili Dogs qui étaient venus dans ces studios il y a bien longtemps et les Quinks de nos camarades Quinks qui sont venus eux il y a peu longtemps et puis qui sont chroniqueurs régulièrement dans Quij, et bien ils seront en concert donc à la ferme, c'est gratuit et c'est le vendredi 4 juillet à Faillologe, très beau village. Voici Arthur Satan avec Crucify Me, tiré de son dernier album. We'll be right back. C'était Arthur Satan dans Satan, je sais pas comment on dit, moi je dis Satan, mais je crois que c'est Satan. Dans The Rocks, tiré de son dernier double album, et oui, un double album très influencé, Beatles, un peu T-Rex aussi sur les bords, Crucify Me, c'est un des morceaux qui ouvre cet album, mais vraiment tout l'album est bien. Il n'y a pas grand-chose à acheter dans cet album. Petite réserve sur le premier morceau qui essaie de se la jouer à la Beatles des Beatles, mais c'est un peu moins bien. Mais le reste, vraiment, vraiment, tout est très, très, très, très bien. Et bah, j'ai hâte de voir ça sur scène. Il paraît que c'est un petit peu plus péchu sur scène. Il est, alors, comment va-t-on faire? Eh bien, il est 19h17. Mathieu Dufault n'arrive toujours pas, le programmateur de l'Astrolabe qui a eu un petit souci de voiture. Nous devions converser, nous allons converser ce soir ensemble de la programmation de Hop Hop Hop dès qu'il sera arrivé. Ben, on va commencer cette programmation de Hop Hop Hop le 12 et le 13 septembre, vendredi 12 et samedi 13. Eh bien, je ne pourrai pas assister au concert du 13, on en reparlera. C'est comme très très dur parce qu'il y a plein de groupes que j'aime bien. Mais il y a un groupe qui nous vient de Cardiff, qui nous vient de Outre-Manche, qui va jouer le vendredi. Et ça va être une belle découverte à mon avis. Ça s'appelle, alors c'est le but de Pop Up, hein, vous le savez, c'est plutôt des groupes émergents. Alors là, il y a des petites exceptions quand même. Il y a des vieux de la vieille là qui vont jouer. Mais c'est quand même des groupes la plupart du temps émergents, qui ont sorti un EP, un album, mais qu'on connaît pas très très bien. The Family Battenberg, donc, n'ont pas sorti d'album encore, je crois, mais ils ont sorti plusieurs singles. Voici le single qui s'appelle Fuzzy Features, et ils joueront au Festival Hop Hop Hop le vendredi 12 septembre dans notre bonne vieille ville d'Orléans. Peut-être que ça va faire venir Mathieu d'entendre ça. Thank you. Vous êtes dans The Rock cet été, The Family Battenberg qui joueront au festival Opopop à Orléans à la rentrée. Ce sera le vendredi 12 septembre. Alors, je ne sais pas encore où puisque les lieux ne sont pas encore annoncés, les horaires non plus. En tout cas, on a toutes les formations qui vont jouer lors de ce festival Opopop. J'espère qu'on en reparlera avec Mathieu Dufaux qui ne devrait pas tarder à arriver. On va se passer ce morceau également de ce groupe qui va jouer, qui vient d'être annoncé à Opopop. Il n'était pas annoncé dans les deux premières salves de noms qui ont été donnés dans le désordre, dans l'ordre. Ils sont bien amusés à faire des petites anagrammes, hop hop hop, et après il fallait deviner quel était ce groupe. C'est un groupe que j'ai eu le plaisir d'interviewer justement deux fois, et dont une fois pour l'Astrolabe lors de leur dernière venue, c'était à la médiathèque d'Orléans. Bon, alors l'enregistrement n'avait pas fonctionné, donc il n'y a pas de trace, ça restera dans nos souvenirs. En tout cas, c'est ce groupe belge que j'aime beaucoup et que ma chère Duduche aime encore plus que moi. Ça s'appelle Girls in Hawaii. Alors là, c'est pas vraiment des groupes en développement. On posera sûrement la question à Mathieu s'il arrive. Ces Girls in Hawaii joueront, là je crois que c'est le samedi. Ça sent le caramel pour moi pour les voir. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez jamais vus. Oui, c'est samedi. Ce groupe belge, vous connaissez je pense Girls in Hawaii. C'est pas la peine que je vous en parle trop. On va se passer un morceau qui date de 2002 parce qu'il n'y a pas vraiment de sortie et de nouveauté en tout cas pour appuyer ce concert. Shaped Be Bad. Et c'est Girls in Hawaii, c'est dans The Rock, c'est ça jouera à Orléans, ça sera le 13 septembre. l'instant, c'était Girls in Hawaii avec Shep B. Ben. On retrouve très bien leur style et on le retrouvera à Au Pop-Up puisqu'ils feront, nous feront le plaisir de jouer à Au Pop-Up. Ce sera le 13 septembre prochain. Ce sera le samedi. Alors, où est-ce que ça va être programmé? Ça, je ne sais pas. On demandera à Mathieu quand il va arriver, s'il arrive. On va se passer une petite vieillerie, tiens. Pour, parce que sinon, je vais griller toutes mes cartouches de diffusion de morceaux de Pop-Up. Donc, voici une petite vieillerie qui date d'il y a bien, bien longtemps, mais qu'on a toujours plaisir à retrouver, non? Dans les morceaux de 1979 en attendant Mathieu Dufaux, mais il est là. Bonsoir Mathieu Dufaux. Ah bah ça, il est là, mais le micro ne marche pas. Alors est-ce que c'est mon micro? Vas-y. Allô, allô. Ah oui, ça y est, je t'entends. C'est bien, bien. C'est beaucoup mieux. Bonsoir Manu. Bonsoir Monsieur Dufaux, vous allez bien? Ça va. Sautillant, frais, ouais. Et fringant. Eh bien donc, nous avons déjà pas mal entamé, figurez-vous, la programmation de Pop-Up. Bien fait. On en reparlera juste derrière. C'est de ça que tu viens de nous causer. C'est le 12 et 13 septembre prochain. Ouais. Et le principe est le même que d'habitude, mais ça joue où? Ça joue au théâtre comme d'habitude, ça joue à la salle de l'Institut également, qui, rappelons-le pour ceux qui, et celles qui la connaissent pas, cette salle, c'est une salle assise. Oui. Campo Santo, Orléans, quand même, les gens connaissent. Donc c'est deux scènes face à face. Ça, c'est la troisième. Et il y a la cour du Panlou. qui est exploité le samedi après-midi, accès okay. gratuit pour les gens, pour le public qui se balade ou le public payant, voilà, qui peut faire aussi un nouveau lieu. Et puis on retrouve uniquement le samedi en fin de journée jusqu'à 1h nos amis du CCN, du Centre chorégraphique national d'Orléans, puisque voilà, on renoue avec le samedi soir là-bas. Donc voilà, on est assez content de retrouver ce centre chorégraphique qui on l'avait abandonné, pas parce que on pouvait pas y accéder, c'est parce que on avait changé de forme sur le festival et à cause du Covid, et puis puis là bon voilà, on s'est dit qu'on allait réexploiter cette salle pour à la fois y faire du live mais aussi beaucoup de DJ, parce que c'est quand même une salle de danse à la base, voilà. Bon ben j'y serai avec mon pelle à tarte. Et donc ben voilà, de deux jours de festival. Alors je disais là, c'est plutôt des groupes émergents, c'est un peu le principe, mais là il y a quand même quelques vieux briscards qui reviennent. Ouais, alors ça c'est une volonté de notre part. Ouais. C'était l'idée, c'était de on vient de diffuser Girls in Hawaii, hein, pour ouais. te dire. Alors c'est un jeune groupe qu'on diffuse sur ses antennes depuis près 15 ans, 20 ans, j'imagine. Oui, 20 ans. Ouais. Ouais, voilà, et également depuis l'Astrolabe. C'est la volonté aussi de mettre quelques têtes d'affiche, alors des têtes d'affiche qui nous plaisent bien évidemment, qui peuvent fédérer des gens qui ont besoin un peu de petits sinon, sans modifier l'ADN du festival. L'idée, c'est comment on accède à un public supplémentaire. Il y a un noyau dur du festival, on le connaît. À Orléans, comment on peut l'agrandir avec ces nouvelles têtes d'affiche. Et puis, on essaye aussi, cette année particulièrement, d'aller faire de la promo ailleurs. Notamment, demain, on fait une soirée au Supersonic, qui est une salle basée à Bastille, à Paris. Ils étaient venus chez nous à l'Astrolabe. Ils nous rendent l'appareil et on fait deux groupes, Pamplemousse et Double Vitrage, qu'on avait déjà programmé au Pop-Up, Double Vitrage. Voilà, gratuit demain à Supersonic. Et à Tours aussi, on fait pas mal de choses là-bas. L'histoire de... Parce que toutes ces villes, ces deux grosses villes-là, sont à 1 heure de train, pour ainsi dire. Donc, il y a matière encore à développer un public qui, rappelons-le, ont plein de choses à faire dans leurs villes respectives, mais on se dit qu'au mois de septembre, il y a peut-être un peu un ventre mou, entre ouais. guillemets, et qui pourrait passer un bon week-end à Orléans, accessible, et puis à découvrir de la musique, voilà. Ah, la dernière fois que Girls in Hawaii sont venus, c'était pour fêter justement l'anniversaire de leur premier album. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Parce là, qu'il n'y a pas d'album. Jouer. Non. Bah, c'est vraiment une demande particulière, hein, personnelle, voilà, qu'on a fait. Et j'en ai parlé aux gars. Les gars, ils étaient chauds bouillants. J'en ai parlé à leur manager que je connais aussi un peu et qui m'a dit bah ouais, tout le monde est dispo. On est revenu sur la terre française pour en parler à l'agent français. Et puis tout le monde était d'accord. Donc il va un petit patchwork quoi, ouais, un petit. Ouais, c'est ça. C'est nouveaux morceaux et anciens morceaux. Bien. Parce que l'album, il y a un album qui va pas tarder à sortir en fait. Mais qui n'est pas là. Qui n'est pas encore là. Non. Et ils joueront où? Sur Campo Santo. Campo Santo, ouais. Grande scène. Ouais, je pense. Bon, alors voilà ce qu'on s'est diffusé. On s'est diffusé également The Family Battenberg qui joueront le vendredi soir. On s'est diffusé le morceau Fuzzy Features pendant que tu faisais un footing. Des Gallois. Voilà, c'est ouais. ça. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, ça fait envie. Il n'y a pas d'album encore, mais non, ça fait non. Alors ça, eux, j'ai découvert en un festival où je vais assez régulièrement qui s'appelle l'Eurosonic Festival à Groningen au nord de la Hollande, des Gallois. Alors ils sont pas aussi. Il y a c'est contrairement à l'ADN du festival, on a tendance à diffuser pas mal de post-punk. Là, il y a un peu plus de guitare, il y a un peu plus de rock dans ouais. leur composition et dans leur live, c'est un peu plus. Il y a un peu d'Idols dans l'attitude. Je dis pas dans la musique parce qu'il y a quand même une personnalité chez l'un et chez l'autre qui est différente, mais on y retrouve un peu ces touches-là avec une sincérité sur scène et puis une espèce de communication. Ça pose pas, ça joue et c'est d'une efficacité assez redoutable. Ouais. Et ça sera en Campo Santo aussi, oui. Je ne sais plus là. Tu sais plus. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait envie. Alors, on va se diffuser. Alors, le groupe qui moi fait le plus envie parce que c'est l'album de mon printemps. Je m'arrache les cheveux parce que je ne pourrais pas être là le samedi malheureusement. Et ils sont programmés le samedi. Donc là, quand j'ai vu que c'était programmé, il y a eu un ouah. Et quand j'ai vu que c'était le samedi, j'ai fait ouah. C'est CQ Whistling. Ouais. Alors, ça te rappelle des années 2000 un peu. Exactement. Non ça vient un petit peu des Stone Roses, un ouais. peu du meilleur d'Oasis si on on prend le meilleur d'Oasis. On est un peu ça, ouais. Mais sauf que c'est vraiment, vraiment, c'est pas des pompeurs, quoi. C'est-à-dire non, qu'ils ont vraiment joué, un stylo et l'album est génial. Puis joué et réalisé par des gens un peu plus jeunes, quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et, on a, alors ça, c'est Fred qui les a vus, également à Hollande, dans un autre festival, et pendant que moi j'étais dans un autre quartier pour découvrir d'autres groupes, et il est tombé sous le charme, mais voilà, c'est les gens de 40, 50 ans qui ont été marqués un peu par cette génération musicale des années 2000, un peu, là. Ouais. Il y a une fraîcheur, il y a une vraie fraîcheur. Et c'est des, il y a des hymnes un peu, il y a quand même des morceaux qui sont. On va s'en diffuser, hein. Ouais. Non, c'est hâte de les voir. Et ils ont fait un festival organisé par le Supersonic où on va demain, qui est un festival qui a eu lieu il y a 3 semaines. Et j'ai eu 2-3 amis qui allaient vraiment les yeux fermés parce qu'il y avait tellement de groupes. Et c'est un des groupes qui est ressorti un peu du lot quand même. Bon, j'ai vu que tu boitais un peu de la jambe gauche, donc je te préviens, si tu ne les reprogrammes pas à l'Astrolabe, je te pète le genou droit. Ça marche, ça me fera je compenserai comme c'est ça. Comme ça, plus mal. Droit. J'aurais plus mal. Ça serait formidable. Ça s'appelle Need You No More. C'est vraiment un des tubes de l'album. Mais tout est bien. On s'est déjà diffusé le premier morceau de l'album qui est une sorte de montée en puissance qui est vraiment super. Eux, ils joueront donc le samedi 13 septembre. Ça sera au festival au Pop-Up. Et écoutez-moi ça. Ça va vraiment, vraiment faire du bien. Ça. Il veut vraiment échanger avec le samedi, on va voir ce qu'on peut faire. CQ Wersling, donc tiré de leur album Plus Ultra, que je vous conseille vraiment, ça peut être l'album de votre été, en tout cas c'était mon album du printemps, Need You No More, sacrée découverte quoi, vraiment, ouais, super. Et puis il y a des vieux de la vieille qui reviennent également, c'est le cas de Serge Tessoguet, Ouais. Qui revient avec Interzone. Alors Serge Tessoguet, ça doit vous dire quelque chose. Ce nom, c'était le guitariste et quand même une bonne partie du son de Noir Désir. On a du mal à prononcer Noir Désir maintenant. On diffuse encore de temps en temps des vieux, mais c'est un peu compliqué. Alors là, c'était un side project qu'il avait déjà à l'époque de Noir Désir. Depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps. On va se passer un morceau de 2004. Ça nous rajeunit pas, mais c'est même plus vieux que ça. Il est avec un chanteur, musicien qui s'appelle Khaled. C'est un mélange de grosses guitares à la Noir Désir qu'on reconnaît un peu dissonante et avec un grain comme ça et des mélopées arabes et ça fonctionne vraiment très bien. Joué par un joueur de oud, syrien. Ça s'appelle Interzone. Voilà, ça s'appelle Interzone. Le mélange des deux univers, comme tu l'as dit. Alors après, même si Serge Tessoguet va parfois sur ils ont des numéros de duettistes tous les deux qui est assez étonnant où il sort un peu sa zone de confort entre guillemets et il utilise sa guitare comme on le voit moins comme on le voyait moins avec Noirdez parce que rappelons-le qu'il avait plein de projets par ailleurs. Bien il sûr. Joue avec Kazé, il a joué avec l'ancien batteur de Sloy, etc. Bon bref. Et moi je suis content de les refaire. On les a fait une fois à l'Astrolabe il y a très longtemps. Ça va jouer dans la salle de l'Institut. Ça s'y prête, ouais. C'est instrumental avec quelques voix comme ça. Oui, c'est instrumental, c'est principalement instrumental. Ouais. Et c'est ultra beau, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, alors comment ça arrive un groupe comme ça? C'est-à-dire qu'il tourne à nouveau? Il n'y a pas d'album? Non, en fait, il se trouve que ça a changé de producteur et que le producteur, en l'occurrence, habite à Orléans, et même si sa boîte est basée à Rennes, et qui m'a fait part qu'il avait récupéré ça, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, parce que on sait que c'est de la bonne musique, c'est un petit nom quand même, dans cet univers-là, c'est-à-dire que, et puis qui plus est, j'avais la meilleure salle à leur proposer pour écouter ce genre de musique. On voyage assis, quoi. Ouais, on voyage assis. Et je trouve ça plutôt pas mal de... Cette salle, elle permet d'accueillir des groupes et d'accueillir un public pour avoir une audition maximale, quoi. Et en l'occurrence, c'est le cas, là. Ça sera le vendredi. On va se passer donc ce morceau qui a 21 ans et qui vieillit plutôt très, très bien. Le morceau s'appelle Vitalité. Il porte bien son nom. Khaled Al-Jaramani, syrien, et Serge Tessoguet, bordelais. Ça fonctionne très très bien ensemble, ça s'appelle Interzone. Ils joueront le vendredi donc dans la salle de l'Institut, si j'ai bien tout compris, lors du festival Au Pop-Up. Je suis avec Mathieu Dufaux qui est face à moi pour la dernière de la saison, et on va vous raconter donc ce festival Au Pop-Up qui arrive à grands pas. Les noms des artistes sont arrivés en trois salves. Ouais. C'était parce que c'était pas tous bookés, ou c'est le jeu de teaser un peu? Non, c'était l'idée, c'est de les avoir en trois salves. Après, en fonction de ce qu'on avait au moment où on avait décidé, c'était soit 10, 8 noms, etc. Mais oui, c'était plus les avoir, puis se laisser un peu de temps, parce que quand on va sur des têtes d'affiche, c'est plus les mêmes, c'est plus aussi simple que sur des groupes émergents. Donc, soit ça a besoin de temps, soit on attend les disponibilités, soit faut qu'ils trouvent autre chose, soit ils ont d'autres propositions qu'ils préfèrent ailleurs. Du moins voilà, même si on est aguerri à ce boulot-là, il y a encore il faut encore être plus ferme pour avoir des réponses plus rapides, voilà. Et comme on n'avait jamais fait ça, en tout cas sur le festival Au Pop-Up, mais on s'en sort plutôt pas mal, parce qu'on a eu il y avait plein de groupes qu'on souhaitait, hein, qui n'étaient pas disponibles, bien évidemment, hein, en émergeant, il y a tellement de propositions, et puis on a tellement d'envie, donc il y a aucun problème. Et les têtes d'affiche, c'est les moyens en fait qui demandent, qui sont parfois soit techniques, qu'on peut pas accueillir parce qu'on a pas assez de puissance électrique, parfois ça c'est basiquement comme d'accord. Ça, ouais. Ah ouais. Parce qu'ils ont des chaudes lumières qui prennent énormément de puissance, et on n'a pas de groupe électrogène hormis l'électricité mise à disposition par la mairie d'Orléans. Et il y a pas à dire là pour vous on en met moins de lumière, quoi. Alors ils peuvent faire, il y a un artiste qui a essayé de faire un deuxième show plus light, mais malgré ça c'était trop juste. Okay. Voilà. D'accord. Et ils ont certains, c'est vraiment essentiel pour leur show, d'autres c'est leur choix. Je sais pas, parfois on a l'impression que la déco, la scénographie prévaut sur pas sur la musique, parce que la musique reste bonne, mais voilà. Donc ils ont, comme ils se retrouvent parfois sur des plus gros festivals, ils essayent d'habiller l'espace. D'accord. Quoi. Faites-vous confiance. Puis nous, de toute manière, on va pas surenchérir à la fois. Et puis après, en termes de moyens, c'est-à-dire qu'il y a des festivals, il y a des festivals où parfois, moi, je suis en concurrence avec des festivals qui proposent deux à trois fois ce que je peux proposer. Donc, il n'y a pas de course à. On va pas surenchérir. C'est pas le jeu du festival. Et il y a d'autres artistes qu'on pourra trouver par ailleurs. Quoi. Alors là, on va continuer avec les pointures, les noms un peu connus, puis après on ira défricher un petit peu les jeunes talents. Étienne de Crécy, quand même. Ouais. Même moi qui suis pas très DJ set, machin truc et tout, je connais le nom. Il vient de sortir un album avec des collabs, et quel collab, puisqu'on va se passer un morceau avec Damon Albarn, quand même. Alors il faut savoir que l'album qui vient de sortir est défendu en live quand il a l'occasion de faire le live. En l'occurrence, nous, il sera pas en live. Ça sera en DJ set. C'est une des raisons pour laquelle, c'est-à-dire que le live était pas possible, on pouvait pas l'accueillir au festival, par exemple. Okay. Ça fait partie des artistes qui, et de Crécy, c'est pour le coup, c'est vraiment, c'est pas une fioriture, c'est création lumière, et c'est création vidéo et numérique. Font partie du show. Ouais. Dès le début, il a fait ça. Dès ses premières lives, il a fait ça. Je me souviens d'une structure qui ressemble à l'Académie des Neufs, pour vraiment, voilà, et où il y avait ça, quel âge, où il y avait du mapping, tu vois, autour de tous les carrés. Et lui, on le voyait à peine, on l'a vu qu'à la fin, parce que effectivement, le mec est pas important en soi. C'est la musique qui diffuse, et lui il est derrière ses machines, voilà. Il ça présente pas un intérêt, il a bien raison. Mais par contre, la musique associée à ses créations qu'il fait avec ses potes, c'était tout simplement magnifique. Et la ville d'Orléans, sur le premier festival électro, la veille de Jeanne d'Arc, avait fait ça sur la place du cinéma, Place de Loire. Okay, ouais. C'est le seul truc auquel je suis allé, moi. Et voilà, donc on va retrouver en DJ set, parce qu'il a commencé dans les années 90. Ouais, il vient de là, il a été entouré par la French Touch du moment, etc. C'est ça. C'est un gars qui est super, quoi, qui a des hymnes, et puis il sait faire danser les gens. Donc on va terminer le vendredi soir avec ça. Donc on compose en toi. Ouais, pour le coup, ouais. Donc ça, c'est le vendredi soir. On va se passer le morceau qui clôt l'album qui vient de sortir, donc que vous ne retrouverez pas. Ça, c'est pas exactement ce que vous allez entendre à Au Pop-Up, mais c'est quand même lui, avec Damon Albarn de Blur. C'est le morceau qui clôt cet album. Le morceau s'appelle Rising Soul, et l'album s'appelle Warm Up. Thank you. C'était donc dans The Rocks, Étienne de Crécy et Damon Albarn qui sera lui tout seul, Étienne de Crécy, le vendredi soir à Hop Hop Hop en DJ set. Et là, on va commencer à aller vers des artistes un peu moins connus. Et c'est vraiment l'essence même d'Hop Hop Hop, avec quelqu'un qui pourrait être la fille, voire la petite fille, non la fille, d'Étienne de Crécy. Elle jouera le samedi, c'est Nectar Woody. Nectar Woody ou Nectar Wood, ouais, je sais plus exactement, ouais. Woody, ouais, peut-être, ça semblerait cohérent, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Le Ghana, l'Angleterre, la soul. Ouais, c'est ça. New jazz, un peu comme ouais. Comme il en existe pas mal en Angleterre. Accompagné par trois musiciens musiciennes. Super belle voix, des très très bons morceaux, des choses un peu de tempo, puis qui groove au fil du set. Je l'ai découvert en live également. J'étais c'est un ami qui m'avait conseillé d'aller la voir et j'ai bien fait. Et ce qui permet aussi d'avoir ce genre de son dans ce festival-là, dont les certains publics peuvent être friands en fait, parce qu'il y a quand même une grosse scène en Angleterre qui explose pas mal en Angleterre. Ça commence à venir en France. Après, bon voilà, ça prend toujours un peu plus de temps. Mais c'est quelqu'un qui est assez jeune, comme tu le dis, et qui risque de passer quelques steps en prenant son temps, parce que vu le succès qu'elle peut avoir dans les pays anglophones, je serais pas étonné qu'elle ait un succès un peu moindre, mais en France en tout cas. Et puis elle chante très très bien. Elle est plaisir à voir, à écouter. Et on est au cœur de légère soul, new jazz, voilà, avec des passages un peu calmes et tranquilles, mais avec ces petite dose moderne que peut incarner ces jeunes musiciens, quoi, en fait. Alors, tu l'as fait jouer où, du coup? J'ai fait jouer à l'Institut. Oui. Ah, voilà. Voilà. Ça. J'aurais pu la faire jouer en second, du moins en premier ou en deuxième slot sur un lieu plus ouvert. Plus ouvert, ouais, comme le théâtre, un truc comme ça, parce que moi, je l'ai vu juste sur un petit set d'une demi-heure. Donc, et effectivement, il y a des morceaux qui groovent un chouïa plus. Mais bon, c'est quand même pas. Ça reste accessible dans une salle comme l'Institut, quoi. Pour les durées de chaque groupe, on l'a dit tout à l'heure, avec Girls in Hawaii, Interzone, avec Étienne de Crécy, il y a des gens qui sont un peu plus connus, on va dire. Est-ce que tu leur laisses plus de temps? Est-ce qu'ils ont le même temps que les autres? Globalement, ils vont avoir le même temps que les autres, à part de Crécy qui est en DJ set. Oui, là, donc il termine, lui, clos. Ouais, c'est ça. C'est que l'idée d'un DJ set pour que ça prenne, et puis que le monsieur, il a quand même 30 ans, voire un peu plus de background derrière lui, et on va lui laisser le temps de faire danser les gens pendant une heure et demie, si possible, voire plus, on va voir. Mmh. Girls in Hawaii, on n'a pas encore affiné ça, en tout cas au minimum une heure. Les trois quarts du temps, c'est une heure, quand les gens en ont la capacité ou en ont la volonté. Ou le parce répertoire, que parfois, moi je demande toujours aux artistes, en fait, globalement, le temps qu'ils veulent, est-ce qu'ils peuvent jouer 45 minutes ou 60 minutes. L'année dernière, on a eu la mauvaise surprise, entre guillemets, que Anastasia Coupe, elle avait joué qu'une demi-heure pour le coup, quoi, 25 minutes. Si j'avais, c'est court. Si j'avais pas fait la demande, ouais, je me serais pas aperçu de ça. Mmh. Et puis après, on affine. C'est les premiers albums peuvent être défendus en trois quarts d'heure. Souvent, ils préfèrent jouer que trois quarts d'heure pour garder les morceaux qu'ils veulent défendre sur scène, parce qu'il y a des morceaux qu'on joue et qu'on défend pas forcément sur scène systématiquement, quoi. Il y en a qui n'ont pas d'album, que des EP. C'est ça. Donc, elle s'appelle Nectar Woody. On va dire ça ce soir. Samedi 13 septembre. Ce sera l'album qui sortira le 18 juillet, et le morceau s'appelle Amaseid. Saturday sipping back in the garden, thinking about what lies at the bottom of the glass. Lifting my head, I saw her watching. Best thing I knew, we were he and him talking on the grass. Darling, you look so lost. Just let your shoulders drop. Tell me what's on your mind. Listen so hard, my eyes start to water. Calling me out, you're my mama's daughter. You see right through me. I confess it, I've been hiding. Took 2 seconds to recognize it. You see right through me. You've been away so long. I don't know where you've gone. Locked up in your head. Yourself up. Ah oui, ça promet ça. C'était donc Nectar Woody qui sera au festival Hop Hop Hop. Ce sera le 13 septembre prochain. C'est la dernière émission d'On The Rocks de la saison. On clôture avec Mathieu Dufaux ici présent qui va nous détailler un peu le festival. Et voici peut-être le morceau préféré de mon fils. En tout cas le titre, Procrastination. Martin, si tu nous écoutes. Donc c'est Élise Bourne qui, elle, sera le vendredi. Alors ça, c'est une belle découverte. J'imagine que c'est aussi dans l'Institut. C'est dans l'Institut et puis c'est... Élise est déjà venue en premier, est déjà venue à l'Astrolabe en fait. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, elle était venue en première partie d'aller la Diane et elle avait pas d'album au moment où elle est venue. Elle avait un ou deux maxi. C'est chose faite. Et puis maintenant l'album est sorti et elle nous avait elle nous avait un peu scotché sur scène, voix folk pour ainsi dire. Voilà. Non, elle peut être elles peuvent être à deux. Là, elle sera toute seule avec sa guitare. Et ouais, c'est on l'a. C'est l'Augusta de cette année. Ouais, alors c'est un peu différent, mais c'est ce qui est normal. Augusta, il y a vraiment des titres assez forts. Il y a deux, trois tubes, etc. Et Élise, alors il y a un morceau, mais qui date il y a très longtemps. Elle conçoit pas ces morceaux comme ça. Mais c'est une voix qui est magnifique. Ouais. C'est super beau. Et le fait de l'avoir fait une première fois, elle habite à Nantes. Elle est d'origine australienne et elle a, et quand j'ai su qu'elle sortait son premier album, je lui dis bah écoute. Revenons à Orléans. Et pour l'Institut, bah, c'est le lieu, encore une fois, parfait pour écouter ce genre de voix. Clairement. Ouais, voilà. Toute seule, donc, guitare-voix. Ouais. L'album s'appelle Covenant. On va se passer le morceau qui s'appelle Procrastination. Et moi, c'est tout de suite enchanté, ce morceau. C'est parti. Entertaining emptiness just for fun. A broken screen, escape from what needs to be done. Binging occupations, weighing a ton. 'Cause just a moment's pleasure never hurt anyone, did it? L'album s'appelle Covenant. Il y a ce titre Procrastination qui est dessus. Elle s'appelle Elise Bourne et elle jouera le vendredi. Ce sera pas d'horaire pour l'instant. Les horaires sont pas fixés encore. Non, ça va, ça finit cette semaine. D'accord. En tout cas, c'est le vendredi et c'est dans la salle de l'Institut. J'ai vu que le festival était une fois de plus épinglé comme ça parmi les festivals à ne surtout pas louper cet été. Et un peu plus que l'été dans Télérama. Ouais. La reconnaissance du festival ne fait que grandir. Ouais, elle se perpétue. Là, c'est des gens avec qui nous ont suivis dès le début. Il y a eux, il y a RFI qui nous avait suivis au début, puis qui est parti voir d'autres festivals. Voilà. Il y a Magic également qui a fait quelques news. Il y a plein de webzines. Il y a Village Pop. Il y a nos amis David Bost et son webzine qui nous suit également. Sunburnout. Voilà. Il y a Radio Campus que tu connais bien, oui. Les Ferra Rock également, et puis ouais des webzines, etc. Voilà, on est en train d'essayer encore de voir s'il y a quelques partenariats possibles. Parce qu'on a besoin aussi un peu de visibilité nationale, alors pas forcément au JT de 20h, mais donner l'accessibilité à la formation par d'autres biais que les réseaux sociaux. Et tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il y en a qui écoutent des webzines, il y en a qui lisent des webzines, il y en a qui écoutent la radio. Et qui plus est, avec la programmation qui est un peu émergente, ça permet d'accès à cette information. C'est des radios qui font leur boulot au long cours, donc c'est bien quand on peut être relayé comme tu le fais et comme d'autres le font, voilà. Bon, ben on y sera, enfin on y sera. Moi j'y serai le vendredi, je pense, mais le samedi. Alors autant Elise Bourne était toute seule, autant eux ils seront 6, je crois. Ils s'appellent Dead Letter. Ouais. Le morceau s'appelle Binge et là c'est pour vous faire danser, mais avec des boules caisses plutôt. Ça y va. Ouais, alors ils envoient. Ouais, ça ils envoient, ouais, mais c'est pas, il y a pas besoin de boules caisses pendant leur live. C'est un peu la petite tête, alors la mini tête d'affiche, on va dire rock de cette édition. Et comme tu dis, ça groove. Il y a d'autres groupes qu'on a pu découvrir au pop-up comme Gurriers, comme Dits, etc. Où il y a moins ce groove là. Néanmoins, ça reste des groupes super pour leur prestation scénique et la musique et les chants incarnés par des chanteurs un peu cathartiques. Hein, voilà. Là, on est sur un mélange de rock et du groove, groove au sens anglais, groove rock. Ouais, ils le font très bien les Anglais. Ouais. Et pour le coup, ça fait quelque temps qu'on voulait les avoir au pop-up et à chaque fois ça s'est pas fait pour X raisons. Ils viennent et ils auront peut-être des nouveaux morceaux dans leur bagage parce qu'ils vont sortir un album C'est le dernier single L'album va sortir à la rentrée. Voilà. Ok, ça s'appelle Binge. Ce sera le samedi soir, samedi 13 septembre. Grande scène, j'imagine. Ouais. Ah, ça c'est les stars. C'est parti. To ingest red flags right beneath your nose. Even most heinous acts, environments can call upon the perpetrators to return, relive what they have done. Human nature is a looking glass, and look, we shall have the spectators. End of the day, we're all the same. We're all just looking different. Once binge, needs binge, hopes binge, dreams like a binge. Dreams like a binge. and shining jewels, weathered books or sticky articles, show portraits of a monarch, pornographies are made, careers to hand self-stimulation, can't admit viewed entertainment, granting viewer break from havoc, faking God can't be dismissed as eternal absence, those who might people seem to be the purest are still suspects, printed paper stringed intonation, multilingual determination, it appears but there's no hint that it's a binge and it's all one thing, needs hopes, dreams, like a binge once, needs hopes, dreams, like a binge once, needs hopes, dreams, like a binge once, needs hopes, dreams, like a binge once, needs hopes, dreams, once, needs hopes, dreams, once, needs hopes, dreams, once, needs hopes, that's a binge. Ça sera au festival Hop Hop Hop, c'est le but ce soir pour la dernière de la saison, vous faire découvrir la programmation un peu subjective, hein. Forcément je vais vers ce que j'aime et ce que j'écoute d'Hop Hop Hop, et donc à l'instant c'était Dead Letter avec ce morceau qui franchement va très très bien marcher cet été sur la plage, vous mettez ça, je pense que tout le monde va se mettre à danser, ça s'appelle Binge, enfin sauf ceux qui ont une sciatique bien sûr, c'est le dernier single de Dead Letter, justement c'est très subjectif ma programmation, est-ce qu'il y a des groupes alors vers des choses vers lesquelles je ne vais pas, dont tu aimerais parler ce soir quand même. Il y a une femme franco-brésilienne qu'on appelle Gilda avec deux A, qui vient de sortir que deux morceaux, qui est née avec un violon à 6 ans dans les mains, qui est comédienne, qui est passée par le Cours Florent, le conservatoire d'art dramatique de Paris, qui est une polyinstrumentiste, qui arrive avec sa robe de chambre, avec ses bigoudis sur la tête, et qui parle comme si elle avait fumé 15 000 gitanes, comme ça, et qui raconte une histoire de femme autour du féminisme, et avec deux, trois allégories, du moins, c'est assez surprenant. Elle s'éclaircit, sa voix, comme cette femme s'éclaircit au fil du set. C'est moi ce que j'ai vu en live de plus frappant, de plus impressionnant. Je l'ai vu en solo, je l'ai vu en trio. En trio, c'était pas encore prêt. Là, j'ai des amis qui sont allés la revoir en trio à la Maroquinerie, puisqu'elle a bossé entre le théâtre du Rond-Point et la Maroquinerie. Et voilà, elle fédère plein de gens différents, des gens qui écoutent beaucoup de musique ou pas. C'est à la frontière du théâtre et de... Alors, c'est tellement subtil et c'est pas du théâtre musical. C'est vraiment, elle sort du lot là-dessus. Alors, au départ, moi, musicalement, elle me faisait penser, quand j'ai découvert il y a très très longtemps, j'ai moins suivi tous ses albums, mais Camille. Ou quand Camille a joué ses premiers morceaux sur Le Fil, deuxième album. Cet album-là, on se demandait qui elle était un peu, parce qu'elle avait, elle avait quelque chose à elle, elle avait une personnalité, ouais, elle avait une technique, elle avait. Là, c'est plein de choses réunies ensemble. Elle était entourée par des parents qui faisaient de la musique depuis pas mal de temps, qui étaient comédiens, enfants de la balle, effectivement. Mais elle s'en sort très très bien. Elle a extrait pas mal de choses de ses origines, avec sa touche, sa personnalité. Elle est captivante, on ressort du premier concert, moi je l'ai vu à Rennes, je dis waouh, elle qui était mise en avant parce qu'il y avait un groupe après, qui étaient deux jeunes qui se regardaient dans le blanc des yeux, qui se disaient je t'aime, je t'aime, je t'aime, et voilà, donc c'était marrant de mélanger les deux genres comme ça qui avaient rien à voir, et pour le coup direct j'ai appelé la personne, j'ai dit je veux en savoir plus. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre et qu'il faut aller voir. Ça va être à la salle de l'Institut. C'est vraiment un truc à ne pas louper. Samedi. Ouais, c'est samedi. Après, il y a plein de choses, je sais, hein. Et puis, on la reverra à Orléans, c'est certain. Soit c'est à l'Astro, ou soit c'est par d'autres organisateurs, organisatrices. L'essentiel, c'est qu'elle repasse. Parce qu'elle va faire des petits au fur et à mesure. Elle prend son temps et elle a vraiment cette touche que voilà, à elle, qui n'a rien d'autre et qui reste. T'es subjugué par le chant, par le tour de chant, par l'histoire qu'elle raconte, par le spectacle. Ok. Ouais. Bon, ça donne envie. Mais du coup, ça sera le samedi. Ça s'appelle donc Gilda et il y aura du rap. Ouais, il y en aura un petit peu. Il y a Méro qui est un Suisse et qui pour le coup sort un peu de ce qu'on peut entendre régulièrement actuellement en rap français ou en rap francophone, parce que lui il est Suisse. Il y a des Belges qui alimentent aussi ça. Il a une diction, il a du beatmaking qui fait plus penser à des temps anciens, voilà. Et puis avec lui il est tout jeune, il a une vingtaine d'années, il s'en sort très très bien, plutôt bien. Il fait partie des rappeurs comme Ajeune Crack, qui est plutôt français, qui est cette nouvelle génération qui essaye de se singulariser, en tout cas qui propose quelque chose à part par rapport à toutes les propositions rap qu'on peut avoir actuellement. Donc on essaye il y a toujours de la place pour du rap. Et puis après il y a des gens qui mélangent rap et musique électronique, voilà. Lion Storm notamment, des hollandaises qui sont au cœur de tout ça. Ok. Et là on va repasser à quelque chose de plus familier dans The Rocks. C'est quelqu'un qui est américain. Il n'y a pas tant d'américains que ça qui font la route. C'est le hasard. C'est le hasard, ouais, ouais. C'est ça. C'est le hasard. Après, surtout dans l'émergence où il suffit qu'il y ait des dates autour, etc. Et puis il y a aussi. C'est vraiment le hasard, ça dépend des moments. Après, c'est plus facile. Des réfugiés politiques, peut-être. Ouais, bah, on risque d'en avoir de plus en plus, oui. Ouais, c'est certain. Et en l'occurrence, tu parles de. Tyler. Ballgame. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que c'est de la folk. On nous emmène sur des voies un peu à la Elvis Presley sur certains morceaux. Mmh, c'est des choses vraiment folk pop, très très belles. Un peu crooner, sur les bords. Très très belles voix. Bah, quand on parle d'Elvis Presley, on n'est pas loin. Ouais. Et puis il y a des morceaux pure tradition folk, mais avec quelques musiciens, musiciennes autour de lui quand même. Alors on va se passer là un morceau qui n'est pas un morceau vraiment de lui. C'est une collaboration avec Wolfmone. Je connaissais pas ça, tu connais. Non. Et c'est un morceau assez étonnant. Alors pour vous donner une idée de Tyler Ballgame, c'est celui qui chante en deuxième plutôt, la voix de Crooner qui va arriver derrière. La première voix c'est Wolfmone et ce morceau fait énormément penser aux très bons morceaux parce qu'il y en a des Wings de Paul McCartney quand il avait quitté les Beatles. Je vous conseille la BD Paul d'Hervé Bourris qui vient de sortir sur cette petite traversée du désert de Paul McCartney entre la fin des Beatles et le succès des Wings. Et si vous aimez ce son, vous allez peut-être reconnaître quelque chose ici. Lui, il joue le vendredi Tyler Ballgame à Hop Hop Hop. Ce sera où ça, donc? Ça sera en plein air. Debout. On est un indice. Déjà, c'est un indice. Le morceau s'appelle Gloves Off. peut-être un versant un peu plus folk de Tyler Ballgame à Hop Hop Hop, mais en tout cas il est sur ce morceau avec Wolfman. C'était Gloves Off. L'émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Oui, on parlait de BD tout à l'heure. Alors on va avoir deux expos cette année, une qui va célébrer la 10e édition, qui sera à la collégiale Saint-Pierre le Puyolier pendant un mois. C'est les 10 ans Hop Hop? C'est la 10, ouais. Ah la vache. Ouais, alors si on compte bien ces 10 ans, on compte pas les bistrophoniques. Alors c'est la 10e édition, c'est pas les 10 ans, mais on a décidé d'accord. de célébrer ça plutôt la 10e édition que la 11e. Okay. Et puis David Snug, qui est un auteur de BD, qui est également musicien, qui jouera dans la cour du Panloup avec Strosky Nautique, une espèce de gabelé bidouillé avec sa femme. David Snug, c'est tourne à la dérision les festivals, la musique, plein de trucs comme ça. Et il aura une expo à Jaune Citron aussi également pendant un mois. Allez à Jaune Citron. Et allez tous les jours à Jaune Citron. On est d'accord. Super libraire. Et il fera, on organisera une rencontre une semaine après au Pop-Up où il fera des dédicaces et puis il y aura une rencontre animée par un monsieur qui s'appelle David et qui va pouvoir le faire parler puis rencontrer ce bonhomme-là qui est quand même, somme toute, assez drôle sur ses BD, quoi. Au Pop-Up, donc, c'est le 12 et 13 septembre prochain, juste après l'été. C'est la dernière de la saison. Tu reviendras peut-être en septembre pour nous parler de la prog de l'Astro cette fois. Avec plaisir. Il y a des choses. J'ai vu ton t-shirt. Tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt pour la prog à venir. Avec aussi des vieux de la vieille qui reviennent, avec des cheveux roux et qui sautent partout. Des vieux de la vieille qui reviennent avec des cheveux roux et qui sautent partout. Je suis Sinclair. Ah oui, ça c'est en 2026. En 2026. Ah bah oui, d'accord. Pas en 2025. C'est vrai, pas en 2025. Ouais. On parlera de 2025. On pourra parler de 2026 aussi. Voilà, avec plein de choses à venir. Ouais, encore. Bien sûr. La programmation est en construction. Merci beaucoup, Monsieur Dufond. On va se terminer avec un autre morceau de Girls in Hawaii parce que. On n'aime pas ça. Et donc, je vous donne donc tous rendez-vous, toi, dans les studios, si le cœur t'en dit, en septembre, et puis tous les auditeurs, auditrices. En septembre, l'émission s'arrête donc pour deux bons mois, mais vous pouvez réécouter tous les couiges qui sont passés avec les petites décortications, etc., etc. Tu n'es jamais venu couiger, Mathieu Dufault. Non, je suis jamais venu. Tu es un couard du couige. Je délègue le couige. Il délègue le couige à son patron. C'est parti, ça s'appelle Short Song, ça me porte bien son nom, ça dure 2 minutes 25, et pour vous faire rentrer dans l'été, il n'y a rien de mieux. Merci, Merci Mathieu. Manu. para eu dormir um bocadinho, para não pagar. Também na hora do almoço eu ajudava na cozinha para comer só para não pagar. Passei por várias situações, mas nunca desisti. Fernanda, e agora então que depois de tudo isto, de tanta luta, tanto sacrifício, mas com os objetivos alcançados, ainda a ir tantas vezes ao Luxemburgo, imagina-se, Fernanda, um dia a voltar para lá? Só se for mesmo pela minha filha. Se ela quiser ir, sim, um dia mais sim, tarde. Sim, claro que eu acompanho-a nos primeiros tempos dela. Os pais lá irão, claro, acompanhá-la. Até porque têm tudo ainda no Luxemburgo. Sim, têm casa, sim, têm os negócios. Sim, sim, sim.